Soirée dansante. Par crainte d'un mauvais courant d'air, j'aide Nathalie à mettre son étole avant de quitter le bar. Prenant mon bras, elle me donne un léger baiser sur la joue. Sensation qu'un papillon vient de s'y poser. Je n'ai pas encore eu le temps de le lui dire. C'est la première fois que je porte un smoking. J'avoue être intimidé lorsque nous franchissons le seuil du bar. Il est vrai que je me sentirais plus à l'aise en jean et en chaussures de brousse. Le hall de l'hôtel est encore plus encombré que tout à l'heure. Selon toute apparence, tout ce beau monde tiré à quatre épingles attend que les portes de la salle à manger s'ouvrent. Il y a là, réunis, non seulement la clientèle de l'établissement, mais semble-t-il tout le gratin de la région qui se congratule en baise-main et ronde-jambe. C'est ce qu'on en a sans doute coutume d'appeler une soirée mondaine. Tout ce que d'ordinaire j'essaye d'éviter, sans doute pour avoir l'impression d'y être autant à ma place qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce n'est pas mon univers. Mais pour connaître, ne serait-ce qu'une minute, le bonheur de marcher au bras de Nathalie, ce n'est pas cher payé. Le brouhaha des conversations s'atténue légèrement. Des têtes se tournent. Quelques visages et regards étonnés. Il semblerait que quelque chose se passe de notre côté. Je n'ai pas le temps de réagir, pas plus que Nathalie. Un photographe bardé de sacoches et d'appareils surgit dans mon dos et se met à mitrailler Nathalie. Son flash crépite une bonne demi-douzaine de fois. Je ne fais qu'un bond et m'apprête à intercepter l'important lorsque Nathalie s'interpose avec un sourire. « Laissez John, je vais régler ça. » Puis se retournant vers le paparazzo. « Bonsoir monsieur, je ne me souviens pas vous avoir autorisé à nous prendre en photo. » Le monsieur en question a un air bien sympathique, loin de celui que l'on attribue d'ordinaire à ses professionnels. Mais c'est une soirée Lions Club. Nathalie fronce les sourcils. Et quand bien même, ce serait une soirée du Vatican. Mais, madame, vous êtes bien de l'ambassade des USA. Je ne me rappelle plus votre nom, mais je me souviens très bien. Vous êtes conseillère de l'ambassadeur, n'est-ce pas? Il fouille fébrilement dans la plus petite de ses sacoches et en retire une carte qu'il présente à Nathalie. D'ailleurs, voici mon accréditation à l'ambassade comme photographe de presse. Vous voyez, tout est en règle. Nathalie lui adresse son plus charmant sourire. « À l'exception d'un point, c'est que je suis ici à titre privé avec monsieur. » Elle se tourne vers moi. « Et je ne désire, pas plus que lui d'ailleurs, retrouver mon portrait dans un des magazines pour lesquels vous travaillez. » Le malheureux photographe a l'air décontenancé. « Pardonnez-moi, je vous croyais ici à titre officiel. » Il esquisse un geste pour ouvrir son appareil et en retirer la pellicule, mais Nathalie le retient prestement. « Non, attendez, j'ai autre chose à vous proposer. Est-ce une pellicule neuve ?»« Oui. » « Parfait, et combien reste-t-il de photos ?»« Environ une vingtaine. » Nathalie l'entraîne à l'écart. Je les suis. « Que diriez-vous de consacrer cette pellicule à couvrir notre soirée pour mon ami et moi ?»« Il va sans dire que je vous rémunérerai pour ce travail et... » Un sourire malicieux des yeux auxquels on ne résiste pas. « Et que je m'engage à vous accorder une interview sur le département que je dirige pour un magazine scientifique de votre choix. »« Un magazine sérieux, naturellement. » Elle ouvre sa pochette et lui tend une carte de visite. « J'attends donc la pellicule pour la fin de la soirée. Monsieur... Oh, Darcy, Roland Darcy, sans faute, madame, et bonne soirée. » Il s'incline vers moi. « Bonne soirée, monsieur. » Je lui fais un petit signe de tête alors qu'il s'éloigne. Pendant cet aparté photographique, le hall s'est vidé. La quasi-totalité de ses occupants est passée dans la salle à manger dont le maître d'hôtel a ouvert les portes, enjoignant à tout un bataillon d'hôtesses de placer les convives. Je le vois qui vient vers vous. Madame, monsieur, votre table vous attend. Si je peux me permettre, j'ai cru comprendre que vous étiez importuné par ce photographe. Souhaitez-vous que je règle le problème ? Nathalie lui explique qu'elle s'en est chargée et a demandé à ce monsieur de faire des photos souvenirs de notre soirée. Dans la mesure, bien sûr, où cela ne perturbe pas le service, précise-t-elle. Nous conduisons lui-même à notre table et tenant la chaise de Nathalie, il s'incline légèrement. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je veillerai personnellement à ce que tout se passe bien. » Je regarde Nathalie, émerveillée. Elle a non seulement l'allure et la classe d'une grande dame, mais c'est aussi une grande dame. L'aisance et l'autorité naturelle dont elle a fait preuve en réglant le petit problème en sont la marque. Je m'assieds face à elle au milieu du brouhaha de tout ce joli monde en train de s'installer. Elle voit bien, mon air éberlué, qu'une explication s'impose. Le hasard fait parfois bien les choses. J'ai un projet en cours à l'ambassade et avec mon équipe, nous y mettons la dernière main. Je devais de toute façon donner une interview à la presse spécialisée. J'ai vu là une opportunité de préserver le caractère privé de notre soirée et de garder un œil sur ce photographe, tout en nouant le contact nécessaire avec la presse. Je prends un air très sérieux pour lui dire « Vous êtes impressionnante, Nathalie. Rappelez-moi de toujours vous garder comme amie. » Elle m'effleure la main par-dessus la table, son regard est si doux. Je fais le vœu de le rester très, très, très longtemps, au moins tant que vous le désirerez. Je la fixe intensément. Douteriez-vous que je le veuille? Pas une seconde, John. Autour de nous, l'agitation et les bruits de chaises finissent par se calmer, et l'orchestre d'une douzaine d'exécutants profite pour distiller en sourdine une petite musique d'ambiance. Les musiciens sont sur une estrade presque face à nous, de l'autre côté de la piste de danse au bord de laquelle, avec quelques autres, se trouve notre table, emplacement privilégié qu'il m'a fallu négocier avec le concierge lors de l'inscription. Nathalie, qui tout à l'heure effleurait ma main, s'en empare. La sienne est douce et chaude, tout autant que ce sourire avec ses deux fossettes qui me font complètement craquer. Elle caresse de l'index le dos de ma main. Et dire que je ne vous ai encore même pas vraiment remercié pour cette merveilleuse surprise. Je suis impardonnable, même si je l'excuse de ne pas encore réaliser ce qui m'arrive. Je lui rends sa caresse. En toute confidence, moi non plus. S'il vous plaît, pincez-moi pour me prouver que je ne rêve pas, et que vous êtes bien là, assise en face de moi. Ai-je vraiment besoin de vous pincer, John ? Elle est interrompue par une charmante jeune fille vêtue d'un tailleur bordeaux. « Madame, monsieur, pardonnez-moi, je me présente. Je suis Ingrid et suis chargée de votre table pour cette soirée. N'hésitez pas à faire appel à moi. Je me tiens à votre entière disposition. » Ce disant, elle donne à chacun un menu magnifiquement décoré aux armes de l'hôtellerie et du monogramme du Lions Club à l'initiative de cette soirée. Nathalie et moi sommes décidément prompts à prendre nos décisions, et alors qu'un jeune serveur nous propose une coupe de champagne, nos choix déjà faits, je fais signe à Ingrid de venir prendre notre commande. À l'instant où elle repart, je la rappelle. « Oh, mademoiselle, pourriez-vous, je vous prie, demander au sommelier de passer nous voir dès qu'il aura un moment ?» Une inclinaison de tête, un charmant sourire. « Tout de suite, monsieur. » Comme surgit de nulle part, le sommelier est déjà là. À croire que cet homme est télépathe. Il a en fait d'autres qualités bien plus précieuses. Il s'incline et jette un rapide coup d'œil sur notre commande. Si madame et monsieur me le permettent, au vu des plats choisis, je vous ferai une suggestion qui n'est pas dans la gamme de ce que je propose habituellement, mais qui, je crois, conviendra parfaitement. Je ne lui laisse pas le temps d'enchaîner. Un regard de connivence qui passe inaperçu de Nathalie. M'en remettant à votre réputation, je suis persuadé que ce sera parfait. Et qui plus est, madame et moi adorons les surprises. À votre initiative, donc. Le sommelier s'éclipse quelques minutes pendant lesquelles je fais un rapide tour d'horizon. La salle est pleine, il ne reste pas une table de libre. À vue d'œil, il y a à peu près 200 convives, mais l'éclairage discret centré sur la piste préserve malgré tout une ambiance feutrée. Je ne sais si c'est un effet de mon imagination. La crinière blonde de Nathalie semble à elle seule capter toute la lumière et faire comme une auréole autour de sa tête. Je penche vers elle pour le lui dire. Elle rit. « Sainte Nathalie !» Si vous saviez, John, je me sens tout ce soir, sauf une âme de sainte, simplement celle d'une femme heureuse, et cela je vous le dois. Elle voulait peut-être me dire autre chose. La silhouette du sommelier se penche vers moi pour me présenter une bouteille de vin dans son panier de service. Est-ce que ce choix vous semble judicieux? Nathalie n'a toujours pas relevé le léger trait de complicité dans la voix de Jacques, prénom du sommelier. Si l'on se réfère à l'inscription sur la broche de vermeil épinglée à son gilet. C'est à peine si je jette un coup d'œil à l'étiquette et, m'adressant ostensiblement à Jacques, sans même regarder Nathalie, madame saura sans doute mieux vous répondre. Le moins que l'on puisse dire est que Nathalie est interloquée. Une légère inclinaison de tête, un sourire entendu, le sommelier fait un pas de côté et présente la bouteille à Nathalie. Je vois les traits de son visage passer de l'étonnement à la stupéfaction, puis à la joie la plus totale. On dirait une enfant devant le Père Noël, alors même que l'on vient de lui expliquer qu'il n'existait pas. Je sais très bien ce qu'elle vient de lire sur la bouteille, ce qui a déclenché ce kaléidoscope d'émotions. Special Vintage O'Malley Estate, Napa Valley, California, 1978. Tel un diable sortant de sa boîte, elle se lève brusquement, fait le tour de la table, se penche sur moi et me donne un baiser si tendre que dans la seconde nous sommes seuls au monde. Pas tout à fait cependant. Notre photographe accrédité a immortalisé la scène. Nos lèvres se séparent sous les applaudissements discrets des tables voisines. Nos lèvres, mais pas nos mains, et ne pouvant rester assis devant une dame, je me lève à mon tour et lui rends son baiser. Elle reprend lentement son souffle et ses esprits. Une légère rougeur colore ses joues. Elle a les yeux humides et brillants de joie lorsqu'elle me dit « Oh John, you found it. You're a sweetheart. Mais comment avez-vous fait ?» Je souris, lui embrasse le bout des doigts. Ce n'était pas difficile. Un coup de téléphone au Compass. C'était le seul vignoble de la Napa avec un nom irlandais. Poliment et avec un sourire ravi de complice heureux, le sommelier attend la fin de nos effusions. Je raccompagne Nathalie à sa place et tiens sa chaise pendant qu'elle se rassied. Ses yeux sont pleins d'étoiles. Elle en oublierait presque le malheureux sommelier qui a peut-être d'autres tables à satisfaire. Je me fais l'interprète de Nathalie. Je crois que votre suggestion a recueilli tous les suffrages. Madame va pouvoir goûter et nous dire ce qu'elle en pense. L'expression ravie de Nathalie se passe de tout commentaire. Ce vin est une merveille, à la hauteur de celle qui en partage la première gorgée avec moi. Nathalie s'exclame. Cette année-là est exceptionnelle, encore meilleure que dans mon souvenir. Elle me sourit. Sans doute parce que je le bois avec vous. À l'instant où le sommelier nous quitte, le service commence. Avant de prendre la première bouchée d'une salade de foie gras sur toast, Nathalie m'envoie un baiser. « John, dites-moi que c'est tout. Moi qui adore les surprises, je frôle l'overdose. Tout à l'heure, dans ma chambre, ces dames avec ces magnifiques robes de soirée alors que je sortais de ma douche, votre petit mot si tendre, et maintenant cette bouteille portant le nom de mon grand-oncle, c'est une de nos meilleures années. Il y avait si longtemps que je ne m'étais sentie aussi heureuse. Encore merci, John. » Vous avez aimé, mon petit mot ? Elle passe son index dans les chancrures de son décolleté. Un point tel que je n'ai pas pu m'en séparer et que je le garde près de mon cœur. Je la regarde, les yeux ronds. Ne me dites pas que vous l'avez là, sur vous. C'est exactement ce que je veux dire, précise-t-elle, et son majeur rejoint son index entre peau et tissu. Les doigts tâtonnent un court instant et ressortent du décolleté un papier plié en quatre. Le temps de me le montrer, le petit rectangle blanc disparaît à nouveau entre ses seins. Son sourire a graduellement viré du mot de tendresse au mot de coquin et son regard n'est pas en reste. Je crois que nous devrions quand même songer à faire honneur à ce somptueux foie gras, dit-elle. Je commence à avoir une petite faim. Toutes ces émotions, sans doute. Je n'ai jamais mangé meilleur foie gras. Le vrai bonheur est de voir Nathalie s'en délecter, accompagnant de temps en temps sa dégustation d'un sourire et d'une gorgée de vin. En règle générale, je n'aime pas trop regarder les autres manger. J'en éprouve une espèce de malaise que je ne peux expliquer, une phobie que je me souviens avoir vainement tenté de combattre. Par exemple, voir ou entendre quelqu'un croquer dans une pomme est insupportable. Là, il semble que j'en suis miraculeusement guéri. Je pourrais rester des heures à la regarder. Chacun de ses gestes est d'une grâce et d'une élégance rare, et la façon qu'elle a de mordre délicatement dans le toast qui craque sous ses dents me donne à chaque fois envie de l'embrasser. Nous effleurons fréquemment la main. Une grande partie du repas va se passer à évoquer son enfance, sa gourmandise pour le breakfast du matin. Lorsqu'à son tour elle me questionne sur ce que je préférais pour mon petit déjeuner lorsque j'étais enfant, je pouffe de rire. Nous sommes en train de terminer un délicieux tourne-dos. Ma réaction la laisse fourchette en l'air, les sourcils levés. Qu'ai-je dit de si drôle ? Mon accent ? Je la rassure. Non, pas du tout. Votre question était parfaitement formulée, et quant à votre accent, il me fait fondre chaque fois davantage. Elle sourit. Mais alors, de quoi s'agit-il ? De la tête que vous ferez lorsque je vous aurai répondu. Ah, oui, jugez vous-même. La plupart du temps, mon petit déjeuner se composait d'un verre d'eau et de quelques tartines de pain dur frottées à l'ail et arrosées d'huile d'olive. Parfois, lorsque mon grand-père en avait pêché, j'avais droit en plus à un filet de sardines crues. Je dois avouer que ça me manque. La fourchette de Nathalie est toujours à mi-parcours. Elle la repose délicatement dans son assiette. À la façon dont elle me regarde, je sens bien qu'elle pense que je me moque d'elle. Mais John, personne ne peut manger une chose pareille au petit déjeuner. Son expression est des plus comiques, entre incrédulité et grimace. Elle s'accentue nettement lorsque je lui réponds avec le plus grand sérieux. « Si, moi. » Il lui faut quelques secondes pour reprendre ses esprits. Un sourire un peu contraint. « John, vous êtes absolument déroutant, mais... » « Quel est le mot ?»« Ah oui, fascinant. » Je vous imaginais la nuit en pleine brousse, assis sur un tronc d'arbre auprès d'un feu, mordant pleine dents dans je ne sais quelle bestiole rôtie sur une pique de bois taillée avec le grand couteau planté près de vous. Je soutiens son regard et avec le plus grand sérieux, « Ça m'est arrivé. » Elle écarquille les yeux. « Jesus !» Je suis peut-être assise en face d'un cannibale qui n'a qu'une envie, je l'interromps, celle de vous embrasser et de caresser vos cheveux. Et je rajoute en manière de plaisanterie, car comme tous les sauvages, je suis fasciné par les cheveux blonds. Elle éclate de rire, ce qui nous vaut quelques sourires des tables voisines. Ce qui est peu commun avec vous, c'est que, tout comme le smoking que vous portez très bien, vous pourriez être vêtu d'un vieux jean usé jusqu'à la corde et d'une chemise de coton à la couleur incertaine, le tout avec une barbe hirsute, sentant la fumée et la sueur, sans que pour autant vous perdiez de votre charme. Bien au contraire. Et je parierais que des deux costumes, vous préférez le deuxième. Pari gagné, l'odeur de sueur en moins. C'est elle qui prend ma main et la porte à sa joue. La dernière bouchée de son tourne-dos est toujours dans son assiette lorsque le jeune serveur se présente pour débarrasser. Le voyant hésiter, elle repousse doucement le plat et tout en me regardant dans les yeux, s'adresse au malheureux jeune homme. « Merci, j'ai terminé. Bien qu'excellente, la saveur de ce tourne-dos me paraît tout à coup bien fade, comparée à celle d'un lapin sauvage rôti sur les braises. » Le jeune garçon, ne comprenant strictement rien à son histoire de lapin, se contente d'afficher un sourire béat et entreprend de débarrasser avec un « Certainement, madame !» qui oblige Nathalie à boire une gorgée de vin pour ne pas s'étrangler de rire. À l'instant précis où je me pose la question de savoir si le dessert sera servi avant ou après la première danse, le maître d'hôtel monte sur l'estrade de l'orchestre, micro en main. Les musiciens cessent de jouer et la lumière d'ambiance monte graduellement, en particulier sur la piste de danse, où une savante combinaison d'éclairage de couleurs rend tout à coup l'atmosphère très romantique. Par un léger toussotement, le maître d'hôtel réclame et obtient l'attention des convives. « Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que cette soirée en notre compagnie se déroule comme vous le souhaitez et que le menu que nous vous avons proposé était conforme à vos attentes. Si tel est le cas, je suis persuadé que la pièce montée que nous vous servirons en dessert comblera les gourmands. La maison a prévu un des meilleurs champagnes de sa cave pour l'accompagner. Si toutefois il se trouvait parmi vous des personnes à qui cette pâtisserie et cette boisson ne convenaient pas, il leur suffira d'en informer leur serveur et de commander desserts et boissons de leur choix. Nous vous ferons un plaisir de les satisfaire dans la mesure, bien sûr, des disponibilités de nos cuisines et de notre cave. Ce dessert, donc, ne saurait tarder à vous être servi. Mais, auparavant, comme il est de tradition pour la première soirée de l'année dédiée à la valse viennoise, nous demanderons à un couple volontaire de bien vouloir ouvrir le bal sur la valse de l'empereur. Y a-t-il des volontaires ? S'interrompant, il balaye la salle du regard et le projecteur de poursuite matérialise sa recherche. Tourné de trois quarts, j'écoute poliment l'allocution du maître d'hôtel. Je suis parfaitement bien, mais en une fraction de seconde, ma sérénité vole en éclats. Comme un plateau métallique qui tomberait sur les dalles d'une cathédrale déserte, la voix de Nathalie sonne à mes oreilles. « Nous ?» Je sursaute. Un frisson glacé me parcourt l'échine, tandis que Nathalie, éblouissante de la lumière du projecteur arrêté sur elle, se lève et me prend la main, me forçant à l'imiter. Je suis totalement en panique. Je balbutie lamentablement. « Mais Nathalie, je ne sais pas danser la valse. » Son sourire le plus doux ne parvient pas à me rassurer, pas plus que les mots qu'elle me glisse à l'oreille en m'entraînant sur la piste avec une détermination surprenante. « Ça n'a aucune importance. Vous n'aurez qu'à vous laisser guider par ma main et les mouvements de mes épaules. Vous verrez, c'est très simple. Il suffit de compter 1, 2, 3. » Même ses fossettes et ses adorables yeux aux reflets d'opale ne peuvent venir à bout de la terreur qui me noue l'estomac. Elle nous positionne au milieu de la piste, prend ma main droite dans sa main gauche, place mon autre main en haut de son dos et d'un regard signifie à l'orchestre que nous sommes prêts. Lorsque la première mesure retentit, très lente et très douce, je suis tétanisé, les pieds rivés au sol. Mais Nathalie imprime à ses hanches un léger mouvement de balancement presque imperceptible qui se propage dans tout son corps. Elle me souffle. « Regardez-moi, John, regardez-moi. » Une onde magique parcourt son dos, juste à l'endroit où ma main est posée. Je ne sais encore pas danser la valse, mais je n'ai plus peur. Sa peau vibre sous mes doigts. La musique qui la parcourt doucement, lentement, s'infiltre dans chaque cellule de mon corps et je bouge. Mes pieds suivent les siens sans crainte de trébucher ou de faire un faux pas. Nous commençons à tourner très lentement. Un tour, deux tours, puis trois, et doucement la mesure s'accélère. Je suis le corps de Nathalie. Ses yeux sont rivés aux miens, et rien d'autre n'existe plus que ces deux grands lacs bleus. Quelque chose est en train de se produire, comme si j'étais libéré, comme si nous étions libérés de ce monde et de sa stupide pesanteur. Plus rien n'a d'importance. Il n'y a que la musique et nous. Je n'ai même plus conscience de la salle, des musiciens et de quoi que ce soit d'autre, que de Nathalie entre mes bras. Je ne sais à quel moment j'ai cessé d'être guidé par les impulsions de la main qui étreint la mienne. À cet instant précis, alors que la musique emplit mon corps et que je me noie dans les yeux de Nathalie, je raffermis ma pression dans son dos. Son regard me dit « Oui, je m'abandonne. Fais-moi tourner encore et encore. » Je danse comme si j'avais appris dès mon plus jeune âge dans les salons de Vienne. Je danse et je fais danser Nathalie. Nous tournons sur la piste, balancés au gré des notes qui tantôt nous enveloppent tendrement, tantôt explosent dans notre ventre et notre cœur. Je ne sais combien de temps a passé. La seule certitude est que ces instants me paraissent trop courts. Je ne veux que la tenir dans mes bras et que jamais la musique ne s'arrête. Je reprends conscience alors que la dernière note s'envole et me retrouve sur cette piste au milieu d'une salle debout, sous un crépitement d'applaudissements. Nathalie me fixe intensément. Deux larmes perlent à ses paupières. Dans un gracieux mouvement du corps et une inclinaison de tête, elle salue la salle qui nous applaudit. Je pense que j'ai dû en faire autant, en moins gracieux peut-être. Nous sommes encore au milieu de la piste et l'orchestre continue à jouer en sourdine alors que le maître d'hôtel revient sur l'estrade avec son micro. Je comprends enfin. Nous avons dansé seuls tous les deux sur cette piste, sous le regard de 200 personnes, et nous avons été applaudis, ovationnés même. Nathalie ne me quitte pas des yeux. Une intense émotion la fait encore vibrer alors que notre maître de cérémonie prend la parole. Mesdames et messieurs, nous comprenons tous que nous venons de vivre un moment exceptionnel grâce à la magie de Strauss, mais surtout à l'émotion que nous a fait passer ce couple magnifique. Madame, monsieur, soyez remerciés pour ce moment. Le projecteur de poursuite se repose sur nous et la salle nous applaudit encore. Le maître d'hôtel conclut. Je crains qu'après cet instant magique, la pièce montée ne nous paraisse bien quelconque, mais suis persuadé que les bulles de notre excellent champagne sauront y remédier. Encore merci, madame, monsieur. Ils s'inclinent légèrement dans notre direction alors que les lumières se rétablissent dans leur configuration d'origine. Je me rapproche pour dire à Nathalie combien je suis bouleversé, mais de sa main libre, elle pose un doigt sur ses lèvres. Je sens que l'émotion lui noue encore la gorge. À cet instant, elle voudrait simplement que je la serre dans mes bras, sans dire un mot. Je le sais parce que, tout comme elle, c'est exactement ce que je ressens au plus profond de moi. Je m'apprête à la raccompagner à notre table, mais l'orchestre enchaîne avec le beau Danube bleu. Une bonne vingtaine de couples a envahi la piste et Nathalie ne me laisse aucune chance. Les yeux brillants, elle vient se replacer dans mes bras et cette fois ne cherche même pas à me donner une quelconque indication quant à la façon de mener. Elle s'abandonne, pour ne pas dire qu'elle se donne avec une confiance totale, comme si nous dansions ensemble depuis des années. Dès les premières notes, la magie nous empoigne à nouveau. Et à nouveau, il n'y a plus que nous. Je ne vois même pas la piste tourner. Je ne vois que ses yeux, son sourire et sa joie d'être là maintenant. Pendant près d'une demi-heure, les valses vont se succéder, et bien que nous voudrions encore et encore tournoyer dans les bras l'un de l'autre, nos corps et nos pieds demandent grâce. Nous faisons une première pause. Je raccompagne Nathalie à notre table et l'aide à s'asseoir non sans l'avoir remerciée d'un baisement aussi discret que sincère, à la mesure en tout cas de mon admiration. Elle reprend son souffle et sa poitrine se soulève avec force. Dieu qu'elle est belle! Le visage et le décolleté rosé par l'effort et ses yeux qui pétillent de bonheur. Il y a peut-être plus de bulles dans ces lacs bleus que dans la flûte de champagne que l'on vient de nous servir. Nous trinquons et seuls nos yeux se parlent. Nathalie prend ma main et ses lèvres forment un baiser qu'elle dépose au creux de ma paume. Lentement, elle referme mes doigts. Tout dans son geste, dans son regard, me dit qu'elle est encore dans l'émotion de la toute première valse, où nous étions seuls sur la piste. Elle a repris son souffle et sa poitrine s'est apaisée. C'est elle qui, la première, rompt le silence. Elle n'avait pas dit un mot depuis l'instant où j'étais en panique, ne sachant si j'allais m'enfuir à toutes jambes ou mourir sur cette piste. Elle avait simplement dit « Regardez-moi, John, comme l'on demande à quelqu'un qui va perdre connaissance. Restez avec moi. » Cette fois-ci, c'est beaucoup plus prosaïque. Cette pièce montée ne demande qu'à être mangée. Je cherche une réplique, mais autant ai-je la perception de chaque muscle et de chaque organe de mon corps, autant ai-je la sensation que ma tête est vide. Elle prend une première bouchée, puis reste un instant la cuillère en l'air et me regarde comme si elle réfléchissait intensément. « Vous me devez une explication, John. Le temps de finir notre dessert et vous n'y couperez pas. » Notre photographe passe entre les tables et d'un sourire entendu fait signe à Nathalie que tout est dans la boîte. Il lui adresse un petit signe de tête et un sourire de remerciement. Pendant que les valses et les couples se succèdent sur la piste, nous dégustons la pièce montée par petites bouchées sans parler, sans nous quitter les yeux. Lentement, doucement, l'émotion qui nous étreignait reflue. Par contre, ce qui ne se dissipe pas, c'est la douce chaleur que je ressens dans la poitrine. Les yeux de Nathalie rivés aux miens sont pleins de tendresse et d'une sorte d'interrogation. Sous prétexte de mieux voir la piste, elle a déplacé sa chaise et nous sommes pratiquement épaule contre épaule. Je peux presque sentir la chaleur de son corps et je laisse son parfum m'envahir. Bien que pour la taquiner, j'ai fait durer mon dessert aussi longtemps que possible, mon assiette est vide et je ne vais pas pouvoir couper plus longtemps à cette explication. S'essuyant délicatement les lèvres, elle se penche vers moi. L'éclairage vient de changer et sous cette variation, ses yeux prennent la couleur de l'aigle marine. Elle me scrute intensément et me demande « Jean-Rine, vous n'avez pas fait d'études, mais vous abordez la plupart des sujets avec aisance et tout particulièrement l'histoire. Vous ne savez pas danser et vous valsez comme un dieu, me faisant éprouver des émotions que je n'avais jusque-là jamais ressenties. Qui êtes-vous, Jean ?» Je n'ai pas besoin de réfléchir pour lui répondre. Pour que vous en reveniez au français pour mon prénom, c'est que la question est d'importance. Je vais essayer d'y répondre aussi franchement et aussi simplement que possible. En ce qui concerne mes diplômes, je vous confirme n'en avoir aucun. Ma culture en histoire, je la dois à une curiosité dévorante, une boulimie de lecture et à une excellente mémoire. Par contre, pour la danse, je ne vois aucune explication. Je m'interromps, faisant mine de réfléchir. De sérieuse, son expression devient attentive. Et laquelle, je vous prie? Un petit sourire et une légère pression de mes doigts. C'est très simple, vous me faites des cachotteries. Ses sourcils se froncent. Ah, parce que c'est moi qui fais des cachotteries, très certainement. La seule explication à ce miracle pour ma soudaine maîtrise de la valse viennoise est que vous êtes une fée, ou une sorcière, et que vous me l'avez cachée. J'opterai pour une fée. En tout cas, vous en avez les yeux. Je croyais plaisanter, mais elle doit vraiment être une fée, ou peut-être une sorcière, car en même temps que ses sourcils se détendent, ses yeux prennent une couleur dorée, et que l'on ne vienne pas me dire que c'est sous l'effet des variations de la lumière. Me fixant tendrement, elle passe son bras gauche autour de mon cou et me tend sa bouche. Il y a beaucoup de monde autour de nous, et surtout notre photographe attitré qui immortalise l'instant. Qu'importe, je ne résiste pas. Le baiser ne dure pas très longtemps. Elle a quand même le temps d'entrouvrir ses lèvres, et dans ce court instant, sa main droite caresse tendrement ma joue, puis la base de ma nuque, juste au-dessus de la chemise. Lorsque nos lèvres se séparent, sans lui laisser le temps de réfléchir ou de réagir, je la prends par la main, pose son étoile sur le dossier de sa chaise et l'entraîne sur la piste. C'est l'instant que choisit notre maître d'hôtel pour reprendre le micro. « Mesdames, messieurs, en clôture, l'orchestre va maintenant nous interpréter son morceau de bravoure. Clôture de sa prestation, mais non de la soirée, que nous poursuivrons en compagnie de notre disque jockey sur une note plus douce et plus contemporaine. En attendant, place à la marche de Radetzky. Que ceux qui se sentent encore des jambes n'hésitent pas. Son regard fixé sur nous est sans équivoque. Mesdames et messieurs, je vous laisse la piste. » Nathalie se penche vers moi. Pas de souci. Après la valse de l'empereur, c'est bien le diable, si nous n'y arrivons pas. Une vingtaine de personnes se mettent en place sur deux files et je me retrouve face à Nathalie. Mais cette fois, sans l'appui de sa main et de son corps pour me guider. Surtout ne pas paniquer. L'orchestre attaque les premières mesures à ma belée et enchaîne à la Tedesca. À l'instant précis où je vais me prendre les pieds dans le tapis, Nathalie est dans mes bras, et comme par magie, le miracle se renouvelle. Lorsque l'on sait quoi faire, le rythme est simple à suivre, d'autant que le public bat la mesure en frappant dans ses mains et du pied sur le dallage. Je me laisse gagner par l'ambiance et avec tous les autres participants, nous partons dans une marche, puis un galop endiablé. Nathalie est resplendissante. Entre sa crinière d'or et sa magnifique robe blanche, on ne voit qu'elle. Avec les sautillements de la danse et son décolleté plongeant, je crains le pire. Mais c'est à peine si l'on perçoit un tressautement évocateur à chacun de ses pas. Lorsque la musique s'arrête, je ne sens plus mes jambes et mon cœur bat se décrocher. Chacun est essoufflé, mais heureux, et tous, faisant face à l'orchestre, applaudissons les musiciens qui se lèvent, nous saluent et lentement quittent l'estrade. Pendant cette marche endiablée, le disc-jockey a préparé ses platines, et à l'instant précis où Nathalie et moi pensons quitter la piste, s'élève la voix pleine et chaude d'une interprétette anonyme, Cry Me a River. Le rythme est lent. La voix douce et enveloppante nous prend le cœur et le corps. Un seul regard, et nous nous enlaçons, serrés l'un contre l'autre, abandonnés à la musique et à cette voix si prenante. La même magie qui nous fait voler sur les notes de Strauss nous prend les reins. Nathalie passe ses deux bras autour de mon cou et se laisse aller contre moi de tout son corps, ses yeux dans les miens. Dans la lumière tamisée de la piste qui nous fait comme un écrin, la même émotion que tout à l'heure les fait briller tels des diamants. Jamais elle n'a été si proche de moi. Sa robe est si parfaitement ajustée à son corps que de sa poitrine à son ventre, c'est comme si elle était nue dans mes bras. Elle m'embrasse passionnément et ce baiser fou est bien au-delà du désir. S'il n'y avait eu cette valse, nous pourrions croire que seules les paroles de la chanson nous emportent, mais j'ai exactement la même sensation d'apesanteur que tout à l'heure. Mes pieds ne touchent plus le sol, ils ne font que l'effleurer. Par-dessus tout, il y a cette même perception de fusion, comme si chaque cellule de son corps était une cellule du mien. Lorsqu'elle libère mes lèvres et pose la tête sur mon épaule, je comprends que ce qui s'est noué sur ce petit bout de trottoir de la rue d'Aunou nous échappait déjà, à l'instant précis où nos mains se touchaient. Elle relève la tête. Sa bouche est toute proche de mon oreille. Elle ne dit rien pour ne pas gâcher l'instant. Il y a juste son souffle ténu qui caresse mon cou. Tout son corps me dit combien elle est heureuse d'être contre moi. Nous avons totalement perdu la notion du temps et ne savons même plus depuis quand nous dansons. À ce stade, ce n'est plus vraiment de la danse. Qu'importe, nous restons là, oscillant l'un contre l'autre, la soif et la fatigue nous sont devenues étrangères. La seule chose qui nous ramène à la réalité est le sentiment étrange que nous sommes véritablement seuls. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il reste encore un couple sur la piste, mais dans la salle, à part deux tables de trois et quatre personnes qui achèvent leur champagne, le maître d'hôtel et trois serveurs manifestement fatigués, il n'y a plus personne. Même notre photographe a renoncé à notre compagnie. Il s'est éclipsé sans pourtant manquer à sa promesse. Sur notre table, à côté de la pochette de Nathalie, une petite boîte jaune nous fait comme un clin d'œil pour nous dire que ces moments magiques sont là, imprimés à jamais sur la pellicule et dans nos cœurs.